Qui paiera le marchand de journaux? Excuse-moi, maman. Tu m'avais donné 2 francs pour m'acheter des gâteaux et 2 francs pour payer le marchand de journaux. Oui, et alors? Pendant que je parlais avec Georges, j'ai perdu les 2 francs du marchand de journaux.